Kalilos, ça sert à rien ta guitare. On s'en fout que t'as une lag, il me fait. Puisque sur guitariste, on s'en fout que t'as une lag. Puis c'est pas la son de ta guitare. Là. Thank you. parti, Phil. Parti ? Thank you. passage et le bateau.

Thank you. Thank you.